de la rue Les Turbulentes, les 28, 29, 30 avril et 1er mai à Vieux-Condé. Vibrez au rythme de cette grande fête qui réunira pendant 4 jours la compagnie Opposito, les trottoirs de Joburg, Mirage ou encore la compagnie Pan Opticum, un spectacle pyrotechnique corse, des défilés, etc. Plus d'infos, Le Boulon, 03 27 20 35 40 ou sur www.leboulon.fr. À l'occasion des 10 ans du site Action, la ville de Vervic Sud recevra 20 artistes ce samedi 28 avril 21h à l'espace 2000 pour une soirée exceptionnelle. Chanteurs du Nord et de Belgique, magiciens, sosies et transformistes pour plus de 2 heures de spectacle non-stop. Un bel événement organisé par l'association Mamselle Sophie à ne pas manquer. Info web mamsellesophie.com. Retrouvez toutes ces infos et bien d'autres encore sur galaxyfm.com. Radio Galaxy. Galaxy. melody in my head. And now that I'm able to make this melody come to life, well, you're gonna love this one. We'll be right back. We'll be right back. sur Galaxy.

soul. Feels like dancing is the way to go. Young boy, don't be late. This girl ain't really got time to wait. You think it's all for show, but this is just the only way I know. But if you let her see that fancy footwork, show her that you're not that shy. Let her see that fancy footwork, show her you're that type of guy. Yeah. sur Galaxy. Rock and high five. Wi-Fi. Rock on high five. Sly sur Galaxy. 12e festival Jeune Public L'Enfance de l'Art du 7 mai au 8 juin sur Wattrelos. Cette année encore, pour le plus grand plaisir des scolaires et partenaires,